in us is our victory. Christus in uns ist unser Sieg. Le Christ en nous est notre victoire. And we are one with him. Wir sind eins mit ihm. Et nous sommes un avec lui. 1 Corinthians 6, please. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 6, 17. 1 Corinthians 6, verse 17. 1 Corinthians 6, verse 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Praise the Lord. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen. Who are you? You are spirit. Wir sind wie ein Geist. Qui es-tu? Tu es un esprit. This will help you to know that you are Christ. Das wird dir helfen zu wissen, dass du Christus bist. Somebody gets it. Et ça, ça va t'aider à comprendre que tu es Christ. Amen. You are one spirit, and that spirit is Christ. Wir haben einen Geist. He that is joined unto the Lord is one spirit, and not two spirits. Ein Geist sind wir mit Christus, nicht zwei. Et on a un esprit avec l'Éternel et pas deux. Do you understand me? Praise the Lord. Hallelujah. He is the light. Er ist das Licht. Il est la lumière. We read it in John 10. Amen. And he also said, you are the light, Matthew 5. Und sagt auch, du bist das Licht, in Matthäus 5. Et lui aussi, à Matthieu 5, en Matthieu 5, il dit aussi que tu es la lumière. Amen. Amen. The true victory is Christ Jesus. Der wahre Sieg ist Christus Jesus. La vraie victoire c'est Jésus Christ lui-même. Amen. Amen. There was, you know, it was one problem that was on that have been on earth. Es gab ein Problem, was auf Erden war. Just one, not two. Il avait que un seul problème qui était sur terre. Amen. Nur eins. Adam disobeyed God. Adam hat that was the problem. Das war das Problem. Et était le seul problème, c'était que Adam avait désobéi Jésus-Christ. Are you getting it? Adam disobeyed God. Adam that was God the problem. Missachtet. Das war das Problem. Adam avait désobéi l'Éternel. C'était le problème. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus came to obey himself. Sich selbst zu gehorchen, Gott zu gehorchen. Et Jésus-Christ était là pour obéir l'Éternel, obéir lui-même. That you are a sinner is not coming from you, it's your inheritance. Dass du ein Sünder bist, ist nicht deine Schuld, sondern es ist dein Erbe. Le fait que tu étais un pécheur, c'était même pas ta faute, c'était un héritage qu'on a hérité de Adam. So also that you are a son of God, that you are righteous and holy. It's not based on you, it's based on Christ Jesus. Dass du ein Sohn Gottes bist, dass du heilig bist, basiert auch nicht auf dir, sondern es basiert allein auf Christus. It is your inheritance. Christus, es ist dein Erbe. Et le truc de savoir aussi que tu es saint, c'est basé à Jésus-Christ et pas toi, c'est pas toi qui a fait de faire de sorte que tu puisses être saint aujourd'hui. Your victory is light. The light in you is your victory. Das Licht in dir ist dein Sieg. La lumière en toi est ta victoire. That is the Christ in you, it's your victory. Christus in dir, das ist dein Sieg. Ça c'est le Christ en toi, ça c'est ta victoire. Christ is light. Christus ist Licht. Le Christ c'est la lumière. Again, your victory is the light, and the light cannot be hidden. Dein Sieg ist das Licht und dieses Licht Matthew kann nicht 5. Verborgen werden. Et ta victoire c'est la lumière et cette lumière ne peut pas être cachée. Amen. If you also go to Luke 11. Let's go to Luke 11. Lucas 11. On va lire Luc 11. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Luke 11 verse 33. Lucas 11 33. Luc 11 verset 33. He said, no man when he had lighted a candle put it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that the which come in may see the light. Praise the Lord. Hallelujah. Your victory cannot be hidden. Dein Sieg kann nicht verborgen bleiben. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die hereinkommen den Schein sehen. Ici on dit, on voit que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Et de tout même avec toi, personne n'est capable de cacher ta lumière. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Look at verse 34. 34. Reveal to us how to own the light and allow the light to remain on. Offenbart uns, wie wir das Licht anmachen, wie das Licht anbleibt. 34 nous fait voir comment allumer la lumière et permettre que la lumière reste allumée. Verse 34. 34. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. He said, the light of the body is the eye. Therefore, when your eye is single, your body also is full of light. But when your eye is evil, the body also is full of darkness. I hope you understand here. Mm-hmm. An evil eye. He said, an evil eye, and a single eye means the eye that is focused on Christ Jesus. Mm. I hope you get it. Mm. Sondern Augen, die fokussiert sind auf Jesus Christus. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc on doit avoir un seul œil. Vers l'éternel et pas vers ce monde ou bien la chair. Amen. Amen. No, verse 34 said that our focus must be Christ Jesus. In 34 steht, dass unser Fokus auf Christus Jesus liegen muss. 34 nous dit que notre concentration doit être en Jésus Christ lui-même. Your eyes to be single. Dass unsere Augen on him. Fokussiert sind, lauten auf ihn. Que nos yeux puissent être concentrés, concentrés et focalisés en lui. Amen. Amen. Your eyes to be single and not double. Dass seine Augen nicht doppelt sind, sondern fokussiert sind auf ihn allein. Que nos yeux soient pas doubles, ça ne doit pas regarder vers Jésus-Christ et de même et dans ce monde, ça doit seulement regarder vers Jésus-Christ lui-même. An eye that is double means an eye that see other things. Mm. That see money. No, you see, your one eye is Christ, the other one is another thing. Mm. It's not, it is not Christ plus you, it's Christ alone. Amen. Mm. It's not Christ plus you must go to school. It's not Christ plus you must, you know, whatever. You must have a good husband. Mm. It must be Christ alone. Und es muss der Fokus auf Christus allein sein. Nicht, dass du deinen Fokus, dass du ein Auge auf Christus hast und das andere auf einen Ehemann, eine Ehefrau, auf Geld hast, auf Ruhm hast, auf Karriere hast. Sondern beide Augen müssen fokussiert auf Christus gerichtet sein. On va voir notre concentration seulement vers Jésus-Christ et pas Jésus-Christ et avoir un bon mari ou bien Jésus-Christ avoir un bon travail, quelque chose comme ça. Seulement vers lui-même. Amen. Amen. It is not Christ and you must have money. Es ist nicht Christus und du musst Geld haben. Et c'est pas Jésus-Christ et vouloir avoir de l'argent. Amen. It's not you. Okay. You know, Christ and money, they are parallel lines. Christus und Geld, das sind parallele Linien. Jésus-Christ et de l'argent, c'est sans une ligne parallèle. I mean, what man call money? That's what the mensch Geld nennt. Et je dis, c'est que l'être humain appelle de l'argent. They are both parallel lines. Das sind Gegensätze. C'est sans des lignes parallèles. Why? Because money is a source. Weil Geld. A source of life in the natural world. Eine Quelle des Lebens ist hier auf Erden. Parce que de l'argent, c'est la source de la vie ici sur Terre. Christ is a source of life in his own world. Mm-hmm. I hope you get it. Yeah. We go there very well on Wednesday. Christus ist die Quelle seines eigenen, seiner eigenen Welt. Mais Jésus-Christ, lui, par contre, il est la source de son propre vie, de son propre royaume. In the natural world, without money, you are as good as dead. In der natürlichen Welt bist du ohne Geld tot. Dans le monde ici naturel, sans argent, tu es mort. Amen. When God caused the world, when God caused Adam, in Genesis 3, if you go there, you can see he caused it. It was all about money. Mm-hmm. Let's quickly go there. Genesis. Go to Genesis. Genesis 3. On va lire Genèse. We have it on Wednesday. Amen. Mm-hmm. Lord wants us to go there. That's Genesis 3, please. 1 Mose 3. Genèse 3. Let not just see that of Adam. Verse 17. From verse 17 to 19. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for your sake. I hope somebody is getting it. He said, cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. 1. Mose 3, 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Hier ging es um Geld, hier ging es um die Ernährung, Versorgung. Genau. Ici, on voit que Genèse 3, 17, il dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet dans lequel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc ici, il parlait de la source c'est de l'argent, comment te nourrir. Somebody read this song, you get it. Yeah. He said in verse 18, thorns also and thistles shall he bring forth to thee. And thou shalt eat the herbs of the field. In the sweat, verse 19. In the sweat of your face shalt thou eat bread. Is that not money? Are you getting it? For you to praise the Lord. And that's why today, once you touch people's money, you touch their heart. Und deswegen, wenn du das, hat Geld so eine große Bedeutung, dass wenn du das Geld der Menschen anfasst, fasst sozusagen ihr Herz an. Verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Et c'est pour cela aujourd'hui, il parle ici de l'argent, et c'est pour cela ici on voit que quand tu touches de l'argent de quelqu'un, c'est comme si tu touches son cœur. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, for us, it is when you touch Christ, you touch us. Amen. Für uns geht's darum, dass wenn du Christus anfasst, fasst du uns an. Mais chez nous, c'est quand tu touches le Christ, tu nous touches. You know, he trains us with money. Trainiert uns aber mit Geld. Il nous entraîne avec de l'argent. Because he knows that that is the heart of man. Amen. Weil weiß, dass das Herz der Menschen ist. Parce qu'il connaît que de l'argent c'est le cœur de l'homme. It's not only God that knows that. Satan also knows that money is the heart of man. That's why he tempted Jesus in Luke 4 with money. He said, if you bow down before me, I will give you all the kingdom. Are you getting it? Der Herr trainiert uns mit Geld, weil weiß, dass Geld das Herz des Menschen ist. Und der Satan weiß das auch. Deswegen hat auch in der Wüste selbst den Herrn Jesus damit versucht und gesagt, ey, wenn du mir dienst, wenn du dich vor mir niederkniest, werde ich dir all die Reiche dieser Welt, alle werde ich dir geben, all die Reichtümer werde ich dir geben. Et c'est pas seulement l'Éternel qui connaît que, qui sait que le cœur de l'homme, c'est comme tu touches son argent. Le diable aussi le connaît. Et c'est pour cela, il a aussi, quand il avait tenté l'Éternel Jésus-Christ, il a dit que, tu vois, si tu fais ceci, cela, je veux te donner tout le monde, je veux te donner tout l'argent. Il a même tenté l'Éternel Jésus-Christ avec de l'argent. People sell their heart for money, their soul for money. Leute verkaufen ihr Herz, ihre Seele für Geld. Les êtres humains sont en train de vendre leur cœur et leur âme pour de l'argent. You can see here that the Lord caused the source of the natural life. Der Herr hat hier the source of the natural life is money. Der Herr hat die Quelle des natürlichen Lebens verflucht. Die Quelle des natürlichen Lebens ist Geld. Ici on voit que l'Éternel a maudit la source de la vie naturelle, et la source de la vie naturelle c'est de l'argent. It must be Christ alone. Es muss Christus allein sein. Ça doit être Jésus-Christ lui-même. Amen. The old wine and the new wine cannot be mixed together. Der alte Wein und der neue Wein können nicht vermischt werden. Wir müssen Vermischtheit hassen, Kompromisse hassen. Le nouveau vin et l'ancien vin ne doivent pas être on ne doit pas le mettre ensemble ou bien oui, parce que mélanger ensemble, merci. parce que c'est quelque chose qui sont c'est pas la même chose en fait, on ne doit pas le mélanger. Praise the Lord. Amen. Amen. Religion is the old wine and the new wine mixed together. Religion, especially Christianity, ist der alte und der neue Wein vermischt, besonders im Christentum. Religion, c'est comme si tu es en train de mélanger le nouveau vin et l'ancien vin ensemble. Amen. It does not take the Holy Spirit to follow. It will not, you know, for you to be religious. To have religion does not take the Holy Spirit. It only take you. Du brauchst den Heiligen Geist nicht, um religiös zu sein. Du brauchst nur dich selbst dafür. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour être religieux. Là, pour être religieux, tu as seulement besoin de toi-même. Amen. Amen. To be of the old one and the new one mixed together, you don't need the power of the Holy Spirit. You don't learn the world system. Um das alte System und das neue System, also das alte und neue Wein zu vermischen, brauchst du den Heiligen Geist nicht. Du musst einfach nur nach dem Weltsystem funktionieren und dann machst du das schon. Tu n'as pas besoin de mélanger pour être en Jésus-Christ, tu as seulement besoin de mélanger l'ancien vin et le nouveau vin parce que c'est la religion en fait. But without the power of the Holy Spirit, it can never be Christ alone in your life. Aber you need the power of the Holy Spirit. Die Kraft des Heiligen Geistes kann es dir nicht. Be the new wine alone. Kann es dir niemals nur um Christus gehen. Mais pour c'est seulement à travers la puissance du Saint-Esprit que tu peux seulement voir Jésus-Christ lui-même, seulement voir le nouveau vin et sans le mélanger avec l'ancien, sinon tu auras toujours tendance à le mélanger. Praise the Lord. Hallelujah. You know there are a lot of examples everywhere. That Mark 10 is very is a very good example. This man wanted to be, you know, he wanted to have the mystery. Remember this man. The rich young man. Der reiche Jüngling, er wollte eine Vermischung haben. Ici on voit que cet homme riche, un homme riche, l'homme riche ici, voulait toujours mélanger tous les deux. Il voulait toujours rester riche et aussi suivre l'Éternel. Amen. Amen. He came to Jesus, bowed down, knelt down, and said, "Good master." Il est venu vers Jésus-Christ et il s'est agenouillé. Il a dit, bon maître. Praise the Lord. Hallelujah. He wanted the old and the new together. Er wollte das alte und das neue zusammen. Lui, il voulait l'ancien et le nouveau ensemble. Amen. But Jesus said, it must be me alone. Aber Jesus sagt, go and sell everything and give to the poor, then come and follow me. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Mais Jésus-Christ lui a dit que non, tu dois tout vendre pour me suivre. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Again, religion is the old and the new mixed together. Religion. Matthew 5, please go there. Der alte und der neue Wein vermischt. Matthew 5. La religion, c'est le nouveau et l'ancien vin en mélangé ensemble. Praise the Lord. Amen. Amen. Ralph will help us to read Matthew 5, verse 17. Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Amen. Think not that I have come to destroy the law. Amen. Or the prophets. I am not come to destroy. For to fulfill. Praise the Lord. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour non pour abolir mais pour accomplir. Amen. Amen. They want the old and the new doctrine mixed together. Sie wollen die alte und die neue Lehre vermischt. Eux, ils veulent mélanger la nouvelle et l'ancienne doctrine. The old commandment and the new commandment mixed together. Das alte Gebot und das neue Gebot vermischt. L'ancien commandement et le nouveau commandement, ils veulent le manger. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow it to be Christ alone, you don't have any problem. Wenn du zulässt, dass Christus alleine ist, hast du keine Probleme. Mais si tu permets que s'il s'agisse seulement du Christ seul, tu n'auras pas de problème. Amen. Amen. If you allow allow it to be Christ alone, you lose the Holy Spirit to work for you. Wenn du zulässt, dass Christus allein ist, dann lässt du den Heiligen Geist sozusagen frei, damit er für dich wirken kann. Si tu permets que c'est le pour toi, il s'agit seulement du Saint-Esprit, là tu libères le non, si tu permets qu'il s'agisse seulement du Christ, là tu libères le Saint-Esprit afin qu'il puisse travailler pour toi. Your victory is already in you. Dein Sieg ist schon in dir. Ta victoire est déjà en toi. The light is already in you. Das Licht ist schon in dir. La lumière est déjà en toi. Christ Jesus is already in you. Christus Jesus ist schon in dir. Amen. Jésus Christ est déjà en toi. No one can separate you from your victory. Niemand kann dich von deinem Sieg trennen. Et personne ne peut te séparer de ta victoire. Even the old. Selbst im Alten. Même dans l'Ancien Testament. You know, that could not separate Joseph from his victory. Sie konnten Josef nicht von seinem Sieg trennen. Seine Brüder. Somebody getting something? N'ont pas pu séparer Joseph de sa victoire. Are you getting it? Mm-hmm. No one can separate you from your victory. Amen. Nothing can stop it. It's impossible. Amen. For you not to see the manifestation. Amen. It's not possible. Mm-hmm. Is somebody getting something? Niemand kann dich davon trennen, dass diese Manifestation in deinem Leben zustande kommt. Personne peut te séparer de ta victoire et personne peut empêcher la manifestation de ta victoire dans ta vie. The Lord has a plan, His will and His purpose for you. Der Herr hat einen Plan und einen Willen für dein Leben. Parce que l'Éternel a un plan et une volonté pour toi. But you are not to forget that Satan also has a plan, His will and His purpose for you. Aber du hast nicht vergessen, dass der Satan auch einen Plan und einen Willen für dich hat. Mais tu ne dois pas oublier que le diable aussi a un plan et une volonté pour toi dans ta vie. And how to allow that of Christ to come to pass? It is by allowing your focus to be Christ. Amen. Christ alone. Und genauso wie du dann zulässt, dass du zustande kommst, indem du deinen Fokus nur auf Christus hast. Et c'est quand tu as ta concentration sur l'Éternel, c'est comme ça que tu permets que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. If you look at Joseph, his focus was not on his dream. Wenn du Joseph anschaust, dann fokussiert auf den Traum. Parce que si tu regardes Joseph, par exemple, sa concentration n'était pas sur son rêve comme tel. Take your focus away from whatever you have confessed. Nimm deine Augen weg von dem, was du von was immer du bezeugt hast. Leg es auf Christus und nicht auf das, was du bezeugt hast. Pose ton regard sur le Christ et pas sur ce que tu as confessé. Amen. Amen. Because if you allow it to be on what you confess, Satan will show you a way to fulfill it. Wenn deine Augen auf das sind, was du bezeugt hast, dann wird der Satan dir Wege und Mittel zeigen, Mittel und Wege, wie du das Bezeugte erlangst. Parce que si tu as ton regard, ta concentration sur ce que tu as confessé, là le diable va te montrer des manières comment obtenir ce que tu as confessé. Praise the Lord. Alléluia. You know Joseph, you know, they could not separate him from his victory. Joseph, man konnte ihn nicht von diesem Sieg trennen. Encore une fois, Joseph, on pouvait pas le séparer de sa victoire. Remember after the confession of the revelation, they tried hard to separate him from that victory. That revelation. Nachdem Josef seinen Traum offenbart hat, haben sie versucht, ihm diesen Traum wegzunehmen. Parce que rappelez-vous après que Joseph a révélé son rêve à sa famille, ses frères ont essayé de lui prendre, de lui voler cette révélation. But all you need, you know, look at Joseph. He was not after his dream. My dream must be fulfilled. What I said to them must come to pass. He was so much after the Lord. Amen. Aber Josef war nicht so krass auf seinen Traum fokussiert. Er hat nicht gesagt, ich muss ihnen beweisen, dass doch was aus mir geworden ist und ihnen zeigen, dass dieser Traum doch zustande gekommen ist und dass ich nicht gelogen habe und dass alles so gekommen ist, wie ich es gesagt habe. Yeah, they will know that, they don't lie. Damit die wissen, dass ich nicht gelogen habe. Aber er hatte seinen Fokus einfach auf den Herrn und wen kümmert es, ob sie denken, dass du gelogen hast, nicht gelogen hast oder sonstiges. Amen. Donc Joseph ne s'est pas concentré sur, enfin, il s'est pas concentré à vouloir prouver à ses frères que l'Éternel a pas menti, que lui n'a pas menti, mais non, sa concentration était seulement sur l'Éternel. Parce que si tu es concentré sur l'Éternel, tu n'auras pas de rendre des comptes à qui que ce soit. If you have the Lord and you confess the Lord, you are never a liar. Amen. Wenn du den Herrn hast und den Herrn bezeugst, bist du niemals ein Lügner. Parce que si tu as l'Éternel et tu confesses l'Éternel, tu n'es jamais un menteur. Praise the Lord. It might not make sense to the natural man. Vielleicht macht es keinen Sinn für den natürlichen Menschen. Peut-être que ça n'a pas c'est insensé pour l'homme naturel. They might even call it like they call it what they call, whatever they call it. You know, Elisha again, the Syrian army, you can count them. And he said, those that be with us are more than those that be with them. You know, the natural man will say, this man is a liar. How many of them are there? They said, himself and the servant. Then who are they? Are you getting it? Elisha could have been a liar if he had not confessed the Spirit. Elijah war eher ein Lügner gewesen, wenn er eben nicht den Geist bezeugt hätte, sondern das Fleisch bezeugt hätte. Aber der Geist ist ja die Wahrheit, das ist ja der Sieg. Élisée, par exemple, aussi n'était pas un menteur parce qu'il a confessé l'esprit et pas ce que le monde voyait. Parce que physiquement, l'armée syrienne était beaucoup plus nombreuse que Élie et son serviteur. Mais comme il a confessé l'Éternel, il a confessé ce qui était dans l'esprit, là, on a vu qu'il a toujours dit la vérité. You just allow your focus to be Christ Jesus. Du lässt nur deinen Fokus auf Christus allein. Amen. Toi, tu dois seulement permettre que ta concentration est seulement sur Jésus-Christ lui-même. John 15 said, abide in me and my word abide in you. Johannes 15 steht, bleibt in mir und mein Wort bleibt in euch. Et la Bible nous dit que si on demeure en Jésus, sa parole va demeurer en nous. Amen. Amen. If you allow your focus to be completely Christ, that is how there will be no circumstances that can separate you from Him, from so your victory. Umstände geben, die dich von ihm wegnehmen. Et c'est de cette manière que tu auras aucune circonstance qui pourra te déstabiliser ou te t'écarter de l'Éternel. He is your victory, the Christ in you. Er ist dein Sieg, Christus in dir. Donc le Christ en toi est ta victoire. He was Joseph's victory. Er war Josephs Sieg. Il était la victoire de Joseph. Amen. Amen. Your victory and you are one. Dein Erfolg und du bist eins. Ouais, parce que ta victoire et toi vous êtes un. It means you are your victory. Das heißt, du bist dein Erfolg. Ça veut dire que tu es ta victoire. Amen. It doesn't matter where you are. Egal wo du bist. Peu importe où tu es. Amen. Amen. Your victory can never be inside forever. Denn sie kann nicht für immer drin bleiben. Ta victoire peut jamais être en toi pour toujours. Amen. Amen. It must come out. Er muss sich manifestieren. Elle doit se manifester. Amen. No one can cover it. Niemand kann es verdecken. Personne peut étouffer ta victoire ou la couper. Amen. Amen. You yourself cannot even cover it if your focus is Christ. Du selbst kannst es noch nicht mal verdecken, wenn dein Fokus auf Christus ist. Toi-même non plus, tu peux pas l'étouffer si ta concentration est sur Jésus-Christ. You know, in Nigeria, in Benin, we always say, "Oh, Serok Matovi." That is, we are talking about cockerel. Cockerel. What's a cockerel? Let me show you where it is. This is Jesus even talked about it. Es gibt ein Gleichnis in Benin, was sagt, dass wenn der Hahn halt kräht, wenn es an der Zeit ist, kräht der Hahn. Keiner muss den Hahn wecken, damit er kräht. Er weiß, es ist, keine Ahnung, 6 Uhr und er kräht einfach, ohne dass ihn irgendjemand aufgeweckt hat. Look at it, verse 34. Matthew 26, verse 34. Matthieu 26, verset 34. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. You see that? Before the cock crow, no one reminds the cock to crow. Niemand erinnert den Hahn zu krähen. Are you getting it? It's automatic. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et au béni, il dit. disent que personne n'a besoin de réveiller le coq afin qu'il puisse chanter. Quand il est l'heure, il va chanter. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. No one remind the cock when and how to crow. Amen. Tears automatic. That's how no nothing can stop your victory. It is a must. So just erase when and how from you. Get rid of it. Tout comme personne doit rappeler le coq à chanter, c'est la même chose avec notre victoire. Donc c'est pour ça qu'on doit pas... On ne va pas se concentrer sur le quand et comment, mais plutôt se concentrer sur le Christ et ça va se manifester naturellement. You know, they sought Joseph and he was sent to prison. It was as if there was nothing happening, nothing working. He was sought and he was sent to prison. And you know, they can lock you inside the house, but that victory, they cannot separate him. Are you getting it? It must surely happen. Mm-hmm. Because no one can hide. You know, the candle can never be hidden inside the box. Mm-hmm. Und auch so wie bei Josef, er wurde verkauft, er wurde versklavt, er wurde so viele Dinge wurden ihm angetan, aber dennoch hat es nichts mit seinem Sieg gemacht. Sie konnten ihm das nicht wegnehmen, weil das in ihm war und es zur rechten Zeit sich manifestiert hat. Mm-hmm. Et c'est la même chose avec Joseph. Joseph, il a été vendu et on a fait de Joseph un esclave, mais tout cela n'a pas pu le séparer de sa victoire. C'est la même chose avec nous. C'est comme une bougie, par exemple. Tu ne peux pas enfermer une bougie dans une boîte. Oh no, that did not sell Joseph alone. It was sold with his victory. You know that? Mm-hmm. He was not sent into the prison alone. He was sent into the prison with his victory. Sie haben Josef nicht allein verkauft. Er wurde mit seinem Sieg verkauft. Und genauso haben sie Josef nicht allein in das Gefängnis geschmissen. Er wurde mit seinem Sieg ins Gefängnis geschmissen. Parce que Joseph n'a pas été vendu sans sa victoire, tout comme il n'a pas été emprisonné sans sa victoire. Your victory remains in you. Dein Sieg bleibt in dir. Parce que ta victoire, elle reste en toi. You know, the natural, what they call it, destiny. You know, people call it a destiny. That no one can change destiny. Dein Schicksal kann niemand ändern. Le monde va dire que personne ne peut changer ta destinée. Christ has destiny for you, and Christus Satan also has for hat you. Ein Schicksal für dich, und you choose. Satan hat ein Schicksal für dich, und du entscheidest dich, welches du wählst. Mais faut savoir que le diable a une destinée pour toi, tout comme Jésus-Christ a une destinée pour toi. C'est à toi de choisir maintenant. Amen. Amen. You don't stumble into the destiny of Christ for you. Du stolperst nicht. You believe Christ and you follow him. That's in den Willen des Herrn, sondern du glaubst ihn und du folgst ihm. Tu vas pas trébucher dans la destinée de l'Éternel pour toi. Non, tu dois choisir sa destinée en choisir Jésus. Et tu le fais quand tu choisis Jésus-Christ. Your victory remains in you. Dein Sieg bleibt in dir. Ta victoire, elle reste en toi. You are your victory. Du bist dein Sieg. Tu es ta victoire. Another example I will quickly give before we close is Job. Ein anderes Beispiel ist Hiob. Et un autre exemple est Job. Pardon. Amen. You know, everything can be just gone. Alles kann weg sein, aber dein Sieg bleibt. Tu peux tout perdre, mais ta victoire reste. Because nothing can change, can take it away from. Nee. It is like taking your life. Except you are dead, you are no longer here. Even if you die, you continue to be with the Lord. Amen. It means nothing can take it away from you. That they put you in prison does not mean your victory is not being fulfilled. Und I hope you are getting it. Dein Sieg bleibt in dir, nichts kann es dir wegnehmen, selbst wenn du stirbst, selbst wenn du beim Herrn bist, ist dieser Sieg immer noch da, weil dieser Sieg Christus ist. Und selbst im Gefängnis ist dieser Sieg nicht gefangen in dem Sinne, sondern er ist immer noch da und er ist immer noch in dir und manifestiert sich zu seiner Zeit, unabhängig von deinem Ort. Ça veut pas, juste parce que tu perds tout, Ça ne veut pas dire que tu perds aussi ta victoire, parce que ta victoire est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est en toi, et personne ne peut te séparer de Jésus-Christ. Même la mort ne va jamais te séparer de Jésus-Christ, parce que si tu meurs et tu es un enfant de Dieu, tu seras uni avec Dieu dans le monde spirituel aussi. Donc, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. With Job, it was as if everything was gone, everything lost. Mit Hiob war es so, als ob alles verloren ist, alles weg ist. Avec Job, t'avais l'impression que tout est perdu. But Satan could not separate him from his victory. Aber Satan konnte ihn nicht trennen von seinem Sieg. Mais le diable n'était pas capable de séparer Job de sa victoire. Amen. They want to take the house, the car, everything. Amen. But your victory, if it is Christ, still remains. And nothing can touch it. And it must come out. Das Haus, go to das Auto, Job. Das Geld, go to the book of Job. Ist dieser Sieg, der Christus ist immer noch da. Und kann ihn Job 42. Ils peuvent te prendre ta maison, ta voiture, tout est bien. Mais si ta victoire est Jésus-Christ, ça, ils pourront jamais te le prendre. Praise the Lord. Job 42. Last chapter. Amen. We'll read from 10 to the end. 10 bis zum Ende. Job 42, de 10 à la fin, de verset 10 à la fin. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, that's why, you know, if you really know who you are and what you have, you never cry if anything is gone. Wenn du weißt, wer du bist, somebody was du hast, wirst du nicht weinen. If nothing is working. Wenn nichts funktioniert. Et c'est la raison pour laquelle, si tu connais ton identité, si tu sais qui tu es, tu ne vas jamais pleurer ou être triste si tu perds quelque chose. Is somebody getting it? They said, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friend also. The Lord gave Job twice as much as he had before. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, everything was taken from him naturally. Amen. Erinnert euch daran, alles wurde von ihm weggenommen, auf natürliche Weise. Amen. Rappelez-vous que Job, tout a été pris à Job, tous ses biens. No one can take our victory from us. Niemand kann unseren Sieg von uns wegnehmen. The house can go, the car can go, everything here can go. But you know, is somebody getting it? Donc, he that is in you cannot be hidden. It must come out. Yeah. Der in dir ist, kann nicht verborgen bleiben. Er muss sich manifestieren. Donc, on peut tout te prendre, ta maison, ta voiture, tout est bien. Mais ils peuvent jamais prendre ta victoire. Ils peuvent jamais t'arracher ta victoire. Donc, la personne qui est en toi doit se manifester. It's like tree. You know, tree. Once you plant it. Until you uproot it from the root. You know, season by season, it's coming out with the flower again. Are you getting it? Because there's no separation from the root and the tree. Das ist wie ein Baum, der zu seiner Zeit seine Frucht trägt, solange man ihn nicht entwurzelt. C'est comparable avec un arbre qui va toujours reproduire des fruits jusqu'à quand tu le déracines complètement ou alors... Ouais. The true victory is not what is outside. It's the true victory is what you have inside. Dein wahrer Sieg ist nicht das, was äußerlich ist, sondern das, was in dir ist, und das ist Jesus Christus. Amen. Et ta vraie victoire, c'est pas ce que tu vois à l'extérieur, mais c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de toi-même, c'est Jésus-Christ lui-même. And that is what should give you joy. Und das sollte dir Freude geben. Et c'est ça qui doit te donner de la joie. Amen. Amen. If you understand it, that should be what should give you joy. Wenn du das verstanden hast, allow that temporary, those the temporary things to be your joy. Lass nicht zu, dass diese zeitlichen Dinge deine Freude sind. Amen. Et c'est ça qui doit être ta joie, pas les choses de ce monde qui sont tous vanité. Remember what is going on in Russia and Ukraine today. People that have home, they have companies, they have things, everything destroyed. And you can see what they call wealth is being destroyed. But your wealth, if your wealth is what they call wealth, your joy, your victory is temporary. The true wealth is Christ. The light in you is the true wealth. Erinnert euch an die Leute in der Ukraine, die momentan ihre Häuser und alles verlieren, alles zerstört und all diese Dinge zerstört sehen. Das war ihr Sieg, das war ihre Errungenschaft, worauf sie stolz waren. Das war ihre Freude, ihre Quelle der Freude und Sicherheit. Aber bei uns ist es Christus, er ist unser Sieg, er ist unsere Freude, Amen. Er ist unsere Quelle. Deswegen kann uns das niemand wegnehmen. Et si vous, les gens qui se trouvent dans les pays de guerre, par exemple, si tu regardes les gens en Ukraine, ils sont en train de perdre leur maison, leurs biens et tout. Or que, et pour eux, peut-être leur maison, leur richesse était leur victoire. Mais pour nous, c'est la personne qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est a toujours la même, pas comme les choses de ce monde qui sont temporaires. Praise the Lord. Amen. You have that word, you are not going to have it. Du hast Amen. Diesen Sieg schon, du wirst ihn nicht erst bekommen. Et cette victoire, tu l'as déjà, tu vas pas l'obtenir. Amen. Amen. In verse 12, let's go to verse 12. 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she ashes. Verse 13. Verset 13. He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second, Zekiah, Keziah, and the name of the third, Keraf something. Praise the Lord. Verse 15. And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. Verse 16. After this lived Job 140 years, and saw his sons, and his sons, and his sons, even 4 generations. So Job died being old and full of days. Praise the Lord. Amen. Is somebody getting it? The power of restoration. Die Kraft der Wiederherstellung ist in uns. Force de la restauration est en nous. Amen. We have the power of restoration. Go to Romans 8. Amen. Romans 8. On a la force de la restauration en nous. Romans 8. We have the power of restoration. Amen. Wir haben die Kraft der Wiederherstellung in uns. Praise the Lord. Alleluia. In verse 11 of Romans 8. He said, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, the spirit of resurrection is in you. Der Geist der Auferstehung ist in dir. L'esprit de la résurrection est en toi. Amen. The spirit that brought back the body of Christ back to the world. Der Geist, the resurrection der den body Körper, of Christ. Den auferstandenen Körper von Christus Jesus wieder zurückgeholt hat, ist in dir. Mm. Donc l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en toi. That was the spirit that was there for Job. Das war der Geist, der für Job da war am Ende. Et c'est le même esprit qui était là pour Job à la fin. Amen. He said also, look at it. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwelleth in you. Amen. I don't know if you get here. This is verse 11. Are you getting it? That same spirit is the spirit that is the doer of everything. Das ist der gleiche Geist, der Holy Ghost. Der Täter ist von all diesen Dingen, der Vollbringer ist von all diesen Dingen. Mm. Donc l'esprit de la résurrection est le même esprit qui est en nous. C'est l'esprit qui est en charge de tout ce qui concerne les enfants de Dieu. Amen. In Job 2, we close with Job 2. Joel. Avec Joel. Joel. Joel 2. Joel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Joel 2. Nach Hosea. Amen. From verse 25. Joel 2, 25. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing can stop your victory. Nichts kann deinen Sieg aufhalten. Rien ne peut stopper ta victoire. You know, if you don't want to make it, don't need to come to Christ. Wenn du keinen Erfolg haben willst, dann brauchst du nicht zu Christus zu kommen. Si tu veux pas avoir de succès, tu n'as pas besoin de venir vers Jésus. If you don't want to have it, wenn du es nicht haben willst, don't come to Christ. Si tu veux pas l'avoir, ne viens pas vers Jésus Christ. Amen. Amen. Because it is impossible that you come to him and not have it. Weil es unmöglich zu ihm whatever zu kommen und es nicht zu haben, was immer sie Reichtum nennen. Mm. Donc peu importe ce que le monde appelle richesse, ce n'est pas possible de venir vers Jésus Christ et ne pas l'avoir, l'obtenir. That's why once you see the Bible. Job, David, Solomon, all of them, because you just name them, they were the richest in all their time. Because you never have the Almighty Father, Almighty God, as your daddy, and not be like him. Yeah. There's no poverty in heaven. Amen. Wir sehen es auch bei all diesen Leuten, wie David und Solomon und Abraham und Hiob, dass dieser Reichtum des Herrn in ihrem Leben sichtbar war, weil sie beim Herrn waren. Ne? Und wer beim Herrn ist, wer zum Herrn gehört, wer den Herrn als seinen Vater bezeichnet, als seinen Vater hat, der kann nicht in Armut leben, weil er nicht Armut ist, weil im Himmel nicht Armut zu finden ist. Et si on regarde bien dans l'Ancien Testament, tous ces prophètes, toutes ces personnes, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Solomon, ils étaient tous riches. Et c'est impossible d'appartenir au bon Dieu qui est le créateur de tout et qui tout l'appartient. Et toi qui es un enfant, tu dois automatiquement aussi avoir ses biens. C'est impossible pour un enfant de Dieu de rester pauvre parce qu'il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Amen. All you need to do is see Christ. And those things will seek you. Ist Christus zu money will love Jesus. Money will love you. Wir sollten Jesus lieben und dann wird uns auch das Geld lieben. Alles andere lieben. Wir sollen, looking for you. Sie werden uns aufsuchen und nicht wir diese Dinge krampfhaft aufsuchen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on doit seulement, on doit notre but, ben, notre devoir est de seulement être concentré sur Jésus-Christ, seulement chercher Jésus-Christ. Et si on cherche Jésus-Christ, tout nous sera ajouté. Donc l'argent va nous poursuivre et pas et ça ne doit pas être l'inverse. Amen. Amen. In the natural world, you know, if you are looking for money, your education is very important. Go to school. You understand me? Business and be stealing, one way or the other. But in Christ system, you see Christ. And those things seek you. Mm-hmm. You cannot seek Christ and seek them together. Mm-hmm. It doesn't work that way. Im System dieser Welt musst du dein Ziel ganz genau kennen. Dieses Ziel ist dann halt beispielsweise Geld. Deswegen gehst du dann zur Schule, machst dann einen Abschluss, hast dann diese gewissen Freunde, kennst dann diese gewissen Leute, ziehst da und da hin, weil du dieses Ziel hast. Du machst alles, um diesem Ziel hinterher zu jagen und gibst alles. Und selbst wenn du kriminelle Sachen machen musst, gehst du die auch ein, weil dann der Zweck die Mittel heiligt. Aber bei Christus suchen wir Christus. Und alles andere von Christus wird uns dann hinzugegeben zu seiner Zeit. Donc, encore une fois, le système du Christ n'est pas le système de ce monde. Parce que dans ce monde, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux être riche, tu dois faire tes études, tu dois avoir ton diplôme. Et si ça ne marche pas de cette manière, tu vas commencer à voler ou quoi que ce soit. Mais dans le système du royaume des cieux, tu cherches seulement l'éternel et toute autre chose vous sera ajoutée. Praise the Lord. Hallelujah. Are you already in Joel? Put something there and go to. Let me show you something in Deuteronomy 28. Mose 28. Avant de partir vers Joël, on va d'abord voir Deuteronome 28. 28, verse 1 and 2. Verset 1 et 2. And look at what the Lord said here. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, your God, to observe and to do all his commandments, which I commanded thee, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. We saw it in, with Job. We're getting it. Then in verse 2, and all these blessings shall come on thee, not you running after them. Und all dieser Segen wird über dich kommen. Nicht du wirst über den Segen dich her kommen und ihn suchen und ihn nachjagen. Und Leute sind hinter dem Segen her, obwohl der Segen eigentlich hinter ihnen selbst her sein soll, so wie der Herr es uns eigentlich gesagt hat. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en te mettant en pratique tous ses commandements, que je te précise aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, just you listen to him. Hearken unto his voice. Believe the truth and obey the truth. That's all. Ihn einfach zu hören. And those things will pursue you and overtake. Und dann werden all diese Dinge dir hinterherjagen. Praise the Lord. Hallelujah. Et c'est pour cela on doit vraiment poursuivre tous ces... On va pas poursuivre toutes ces choses. Ces choses-là vont nous poursuivre. Joel 2 from verse 25. Jetzt nochmal zu Joel 2. On va maintenant lire Joel 2. He said, I will restore to you the years that the locusts have eaten. 25. Praise the Lord. We're not ready with that of Job. Amen. The years that whatever. You know, you have spent 10 years, 9 years in Uni. That those years, the Lord is there is restoration. Amen. He said he will restore everything. Amen. Er sagt ja, er ist hier die Zurückerstattung, ne? Dass er die Zurückerstattung ist für all diese Jahre, die, für, die, die genommen worden sind. Auch beispielsweise, wenn wir halt jahrelang studiert haben, all die Sachen, er ist die Zurückerstattung für all das. Amen. Et lui ici dit qu'il est notre, il est la personne qui nous qui restaure, c'est lui qui va nous rembourser tout. Donc ça signifie que quand tu te trouves dans une situation, tu as dit que l'Éternel, j'ai attendu longtemps seulement pour toi, il va le restaurer, tout comme il a fait aussi à Job. Amen. Amen. The years that you have spent waiting for him, believing him and trusting him, those years is not wasted. Um yes, ihm amen. Zu glauben und auf ihn zu warten, diese Jahre sind nicht vergeblich, nicht verschwendet. Yeah. Mm. Yeah, toutes les années, où tu as suivi l'Éternel, où tu as fait confiance à l'Éternel, sont jamais en vain. Amen. Amen. Hmm. Nothing ever waste. Nichts wird verschwendet. Your time. Deine Zeit. Amen. Rien n'est en vain, que ce soit ton temps. Amen. You know, people go to school, they studied and studied in university and they never use it for anything. Mm-hmm. It's like wasted years. Beispielsweise, but in Christ's world, there's nothing like wasted years. Amen. Mm-hmm. Beispielsweise Leute studieren oder machen eine Ausbildung und arbeiten dann niemals in diesem Job oder machen gar nichts mit dieser Ausbildung, mit diesem Studium. Aber in Christus ist das nicht so. Da lernst du Christus nicht dein Leben lang kennen, vergeblich. Donc il y a des gens qui vont aller à l'université ou font des formations, ils vont jamais travailler dans le métier qu'ils ont appris, mais alors que dans Jésus-Christ c'est pas la même chose. Tu vas jamais étudier l'Éternel, je veux dire en vain, si tu le fais avec le Saint-Esprit. Even the years before you became saved. I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. Before you became saved. Before du errettet wurdest. Amen. Amen. Things that have, you know, it's like somebody that is 18 now. Like, no, like Moses. He was 18 when he started working for God. And he now lived another 40 years. You know, there is restoration. Restoration means what the Lord has for you. Nothing can stop it. Amen, amen. Und auch bei, weißt du, bei Mose, er war 80, als es bei ihm losging mit dem Willen des Herrn. Und all die Jahre, die er in der Welt gelebt hat, wurden wiederhergestellt. Mhm. Na, und genauso ist es auch bei uns. Der Herr ist ein Gott der Wiederherstellung. Mhm. Donc l'Éternel est un Dieu de restauration. Si tu regardes Moïse aussi, par exemple, avant, il avait 80 ans avant qu'il commence son travail pour l'Éternel, et il a encore vécu 40 ans. Donc ça nous montre que même les années que tu as vécues avant d'être un enfant de Dieu, même ça sera restauré. You know, Satan has been stealing from us for years. Satan hat jahrelang von uns gestohlen. Et Jésus-Christ a... Non, le diable a volé pendant des années de nos vies. Especially when we did not even know Christ. Besonders als wir Christus nicht kannten. Surtout quand on ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Amen. And once you now know him. Und wenn wir ihn aber dann kennen. Mais si tu le connais maintenant. Whatever the thief has stolen must be restored. Was immer der Dieb gestohlen hat, ist wiederhergestellt. Peu importe ce que le voleur a pu te voler, tout ça sera restauré. You know, things are not going to be restored from the day you became born again. Dinge, Joseph's dream was from the beginning. I don't know if you are getting it. It was not when he was thrown into prison. Are you getting it? Do you know the plan for you that he had for you from the beginning must be restored. Once you now know him and have a relationship. Der Plan, den er für dich hat, muss wiederhergestellt werden. Und es ist deswegen so, es ist nicht zu spät, solange du noch hier auf Erden bist. Le plan que l'Éternel a pour toi doit se manifester. Donc, tant que tu es encore sur terre, il n'est jamais trop tard pour choisir l'Éternel, pour choisir Jésus-Christ. Le but, la volonté que Dieu avait pour Joseph, elle ne s'est pas manifestée quand on l'a jeté en prison, mais directement dès le début. Praise the Lord. Amen. Verse 25 again. I will restore to you the years that the locust has eaten, the cacawon, and the caterpillar, and the palmerworm. My great army, which I sent among you. Amen. Amen. And you shall eat in plenty and be satisfied. And praise the name of the Lord your God that had dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Praise the Lord. Hallelujah. No one ever come to Christ and be ashamed. Niemand kommt zu Christus und muss sich schämen. Donc, aucune personne qui est venue vers Jésus-Christ va avoir honte. Amen. Amen. Verse 27 said, and you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else. And my people shall never be ashamed. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here from 28, you know, here he's talking about now. Look at it, verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Joel 3, Vers 1 in der deutschen Version. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Praise the Lord. That's why we know how the Lord speaks today. Deswegen wissen wir, wie der Herr spricht heute. C'est la raison pour laquelle on sait comment l'Éternel parle aujourd'hui. Amen. You can see he speaks to us in different ways. Er spricht zu uns durch verschiedene Wege. Et on peut voir qu'il nous parle dans des manières différentes. Amen. It's not about prophecy. It's not what the old prophecy, the old dreams. Or the old vision is about the gospel of Christ. Amen. Und es geht hier nicht um die alten Träume oder Visionen oder Prophezeiungen, sondern es geht um Christus Jesus als die Prophezeiung, das Evangelium von Jesus Christus als Prophezeiung. Et si on peut voir qu'il s'agit pas vraiment des songes ou des prophéties ou quoi que ce soit, mais plutôt dans de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you come here and tell me to tell you what Jesus, what God, this is what you want from God. I cannot help you. Amen. Mm-hmm. If it is not him that you want, when we hinkommst, I can only help you if it is Christ that you are hungry of. Amen. If you are hungry of all that is, I cannot help you. Are you getting it? When we hinkommst, amen. Because his system, the kingdom of heaven does not work that way. Amen. The kingdom of heaven is the one having something for you, and not you having something for him. Mm. Wenn du hinkommst und mich darum bittest, um etwas bittest, was nicht Christus ist, dann kann ich dir das nicht geben, weil im Königreich von Christus kommst du nicht, und damit deine Wünsche erfüllt werden, sondern damit der Herr seinen Willen in deinem Leben manifestiert. Si tu viens vers moi et tu dis que tu as certains désirs ou tu veux voir quelque chose qui n'est pas Christ, je ne veux pas t'aider, parce que dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas de tes désirs, mais plutôt de la volonté de Dieu qu'il a pour ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. So we close with that. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You just read it to the end. It's talking about now. Ja, wenn wir halt Joel 3 lesen, dann sollten wir wissen, dass es geht wirklich um das Evangelium von Jesus Christus, was jetzt unser Traum ist, was unser Gesicht ist, was unsere Vision ist. Ja. Si on continue Joel 2 et Joel 3 jusqu'à la fin, on va voir qu'il s'agit vraiment de l'évangile du Saint-Esprit et pas de... That's why I don't need vision from anybody. Deswegen brauche ich auch keine Vision von irgendjemanden über mich. C'est pour ça que j'ai pas besoin de vision de sur moi de n'importe qui. Knowing Christ is my vision. Christus zu kennen, das ist meine Vision. Parce que si tu connais l'Éternel, là tu connais ta vision. And that's why I don't tell people any vision. Deswegen sage ich Leuten nicht irgendwelche Visionen oder gebe Leuten nicht irgendwelche Visionen. Et c'est la raison pour laquelle aussi je donne pas des visions à des personnes. I help you to know Christ. That is how you have your vision. Ich helfe dir, Christus zu erkennen, und damit du dann Christus als Vision hast. Mm-hmm. Je t'aide à connaître l'Éternel, à connaître Jésus-Christ, et c'est comme ça que là tu auras ta propre vision, qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Jesus said the truth is our freedom. Jesus sagt, die Wahrheit ist unsere Freiheit. Parce que Jésus-Christ dit que la vérité est notre liberté. It means knowing him is our freedom. Das heißt, ihn zu erkennen ist unsere Freiheit. Ça veut dire que si on connaît Jésus-Christ, on est libre. He is the truth. Er ist die Wahrheit. Il est la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.